إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, lors de la rencontre précédente, nous avons parlé de l'importance de la méditation du Coran. Et nous avons vu que malgré cette importance immense, beaucoup de musulmans se sont détournés de la méditation du Coran et se contentent au mieux de sa lecture et de sa mémorisation. Et les principales causes de ce délaissement son insouciance et la distraction du cœur, les péchés commis par le serviteur et l'ignorance de la langue arabe. Et c'est de ces trois causes que nous allons parler aujourd'hui. La première cause est donc l'insouciance et la distraction du cœur, qui font partie des causes principales détournant le serviteur de la méditation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, celui dont le cœur est distrait et préoccupé par autre chose que le Coran, celui dont le cœur est dispersé dans les abîmes de ce bas monde. Lorsqu'il lira ou qu'il écoutera le Coran, son cœur ne sera pas présent. Il sera insouciant de sa méditation et de sa compréhension. Car lorsqu'il va lire, il va penser à son argent, il va penser à son commerce, il va penser à ses loisirs, à ses distractions, et ainsi de suite, parmi les choses à quoi son cœur est attaché. Et c'est pour cela qu'il n'arrive pas à méditer et à tirer profit de sa lecture. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 37 de Surat Qaf, « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb, aw alqa sam'a wa huwa shahid. » Il y a bien là un rappel. Un rappel pour qui? Pour quiconque a un cœur. Prête l'oreille tout en étant témoin. L'émin au Cheikh, Abdurrahman ibn Nasir al-Nasi'adi rahimahullahu ta'ala a dit « Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, c'est-à-dire un cœur immense, vivant, lucide et purifié. Celui-ci, lorsqu'il lui parvient à des versets d'Allah, c'est pour lui un rappel. Il en tire profit et il s'élève. Et il en est de même pour celui qui prête l'oreille aux versets d'Allah et les écoute attentivement, cherchant à être orienté. » Et son cœur est témoin, c'est-à-dire qu'il est présent. Pour celui-ci, c'est un rappel et une exhortation, mais aussi un guide et une guérison. Quant à celui qui se détourne, celui qui ne prête pas l'oreille au verset, alors ils ne lui sont en rien profitables, car il n'a aucune acceptation. Et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala exige de ne pas guider celui dont telle est la description. Fin de citation de la parole de l'imam Si'adi, rahimahullah ta'ala. Vous voyez donc qu'il est nécessaire pour méditer le Coran d'avoir un cœur présent, un cœur purifié, un cœur qui n'est pas insouciant et distrait. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a évoqué lors de l'explication de ce verset que les cœurs ou les gens sont de trois sortes. Le premier est un homme au cœur mort. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Celui-ci n'a pas de cœur et les versets du livre d'Allah ne lui servent pas de rappel en raison de la mort de son cœur. Le deuxième est un homme au cœur vivant et apprêté, mais il n'écoute pas les versets récités car son cœur est préoccupé par autre chose. Celui-ci souffre donc de l'absence de son cœur et comme son cœur n'est pas présent, à lui aussi, les versets ne lui servent pas de rappel, malgré que son cœur soit vivant et apprêté. Mais comme il est distrait et insouciant, les versets ne peuvent lui servir de rappel au Allah al-Musta'an. Le troisième est un homme au cœur vivant et apprêté. On lui récite les versets et il les écoute attentivement. Il prête l'oreille et a le cœur présent. Il ne se laisse pas préoccuper par autre chose que la compréhension de ce qu'il entend. Celui-ci a le cœur présent, il prête l'oreille, et c'est lui qui tire profit des versets du livre d'Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi eux. On voit donc à travers cela que si tu souhaites, méditer le Coran et tirer profit de sa lecture et de son écoute. Tu dois faire en sorte en premier lieu de vider ton cœur, de toute autre préoccupation que la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te concentrer sur ce que tu lis, te détourner de tout ce qui pourrait te distraire de la méditation du Coran. Et parmi les plus grandes distractions et les plus grandes choses qui peuvent te détourner de cela aujourd'hui, il y a ces téléphones que nous avons entre nos mains. Si tu souhaites vraiment méditer le Coran lors de ta lecture, écarte-toi de ton téléphone. Mets-le en silencieux ou en mode avion lorsque tu souhaites lire le Coran. Car si tu commences à lire mais que tu es interrompu par une notification, un message ou un appel ou autre chose semblable, alors ton cœur sera distrait, il sera plus préoccupé par ce qui te parvient dans ce téléphone, sur les réseaux ou autres, que par la lecture du Coran. Et c'est pour cela que lorsque tu vas lire de cette manière, il se peut que tu termines une sourate sans même t'en rendre compte, que tu lises des versets sans même y prêter attention, sans même te rendre compte que tu as lu ce verset, Wallah al-Musta'an. Donc la première cause pouvant te détourner de la méditation du Coran, c'est l'insouciance et la distraction du cœur. Et si tu souhaites méditer le Coran, tu dois vider ton cœur afin de te concentrer sur cela et t'éloigner de toute autre préoccupation. La deuxième cause est de persister à commettre des péchés. Et ceci fait aussi partie des plus grands obstacles à la méditation du Coran et à sa compréhension. Donc celui qui souhaite méditer le Coran, il lui convient de s'éloigner des péchés et des mauvaises actions. Et plus particulièrement, les péchés liés aux membres qui te permettent d'atteindre la méditation. Ces membres qui sont le cœur, les oreilles, les yeux et la langue. Si ces membres sont plongés dans les péchés et les mauvaises actions, si par exemple le cœur a un penchant pour les passions interdites, alors tu ne pourras pas méditer le Coran. Tu dois donc purifier ton cœur de tout ce qui pourrait le souiller. De la même manière, si les oreilles écoutent des choses interdites, à l'exemple de la musique, des chants interdits ou autres, alors tu ne pourras pas méditer le Coran. Car l'écoute de la musique et l'écoute du Coran ne peuvent se réunir. Il n'est pas possible qu'un cœur soit attaché au Coran et soit attaché en même temps à la musique. Donc tu dois purifier tes oreilles et faire en sorte de n'écouter avec celle-ci que ce qui est profitable. Écouter le Coran, écouter des cours et des exhortations profitables et ainsi de suite. Également tes yeux. Tes yeux par lesquels tu vas lire le Coran. Tes yeux qui vont se porter sur le mushaf afin de tirer profit des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu te sers de ces yeux pour regarder ce qui est interdit, comme des personnes de genre opposé, la nudité ou autre chose semblable, alors tes yeux seront corrompus, et ils vont ainsi se détourner de ce qui leur est profitable, Wallah al-Musta'an. Et de la même manière avec la langue, cette langue par laquelle tu vas réciter le livre d'Allah, si avec cette langue tu prononces des propos interdits, comme le mensonge, la médisance, la calomnie et autres paroles semblables, alors il n'y a pas de doute que ceci fera partie des obstacles les plus immenses à la compréhension du Coran et à sa méditation. Et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 14 de Surat al-Mutaffifin, « Kalla, bal, ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. » Mais non, c'est-à-dire « mais non, ils ne croiront pas, mais ce qu'ils ont fait couvre leur cœur. » C'est-à-dire les péchés qu'ils ont faits, les mauvaises actions qu'ils ont commises, elles sont venues couvrir leur cœur. L'imam al-Barawi rahimahullah ta'ala a dit, le sens du verset est que les péchés ont pris le dessus sur leur cœur et les ont couverts. Al-Hassan a dit, c'est le fait de commettre des péchés les uns après les autres jusqu'à ce que le cœur meure. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la mort de nos cœurs. Donc le fait de commettre des péchés et de baigner dans les péchés, notamment comme on a dit les péchés du cœur, les péchés des yeux, des oreilles et de la langue, ceci est un obstacle à la compréhension du Coran. Car ces péchés, ils vont venir noircir ton cœur. Et si le cœur est noirci, il ne pourra pas comprendre ni méditer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, dans Surat al-A'raf, au verset 146, سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. J'écarterai de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre sans aucun droit. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit, j'écarterai de mes signes, c'est-à-dire de la méditation et la compréhension des versets du livre d'Allah. Et l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala a dit, Sofyan ibn Uyayna a dit, c'est-à-dire, je les empêcherai de comprendre le Coran. Raison de leur orgueil, raison de ce grave péché, Allah subhanahu wa ta'ala les a écartés de la compréhension des versets de son noble livre. L'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit, celui qui récite doit se libérer de tout ce qui fait obstacle à la compréhension. Et entre dans cela le fait de persister sur un péché, de faire preuve d'orgueil ou d'être éprouvé par le suivi d'une passion. Ceci est la cause de l'obscurité du cœur et de sa rouille. Et le cœur est comme un miroir, et les passions sont semblables à la rouille. Et les sens du Coran sont comme les images qui apparaissent sur le miroir. La piété du cœur, en se libérant des passions, est donc comme la clarté du miroir. Fin de citation de la parole d'Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. On voit à travers cela qu'il compare le cœur à un miroir. Et le miroir, il peut rouiller, de sorte à ce qu'on ne voie plus ce qui pourrait y apparaître. Et cette rouille, il l'a comparée aux passions, les passions interdites, les péchés, les mauvaises actions. Plus tu en commets, moins tu pourras observer et comprendre les sens du Coran. Et plus tu fais preuve de piété, plus tu purifies ton cœur, plus tu le libéreras des passions, plus ton cœur sera semblable à un miroir à la clarté éclatante, à travers lequel on voit clairement les images qui peuvent y apparaître. Tu comprendras donc ainsi davantage l'essence du Coran et tu pourras davantage le méditer. On comprend donc à travers cela que celui qui souhaite comprendre le Coran, qui souhaite méditer le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit faire de grands efforts pour se repentir des péchés et des mauvaises actions. Il doit faire de grands efforts pour s'écarter également des péchés et des mauvaises actions. Car celui qui baigne dans les péchés ne trouvera aucun plaisir à la lecture du Coran et sera privé de sa compréhension, wal'iyadu billah. Car la compréhension est une lumière qui ne peut se mêler à l'obscurité des péchés, wallahu al-musta'an. La troisième cause, ou le troisième obstacle, c'est l'ignorance de la langue arabe. Et ceci est l'un des plus grands obstacles à la compréhension du Coran et à sa méditation. Car le Coran a été révélé en langue arabe, qui est la langue la plus claire et la plus éloquente. Et celui qui lit le Coran sans le comprendre ne pourra pas comprendre ses sens et encore moins le méditer. C'est pour cela que j'adresse ici un conseil sérieux à l'ensemble de mes frères et sœurs qui négligent l'apprentissage de la langue arabe. Et pire encore, ceux qui après de longues années dans l'islam n'ont toujours pas fait l'effort d'apprendre la lecture. Comment peut-on se détourner ainsi de la clé de la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce livre au sujet duquel nous avons la ferme conviction que c'est un guide et une miséricorde pour l'humanité, qu'il appelle à tout bien et qu'il met en garde contre tout mal. Comment peut-on être si insouciant au point de ne pas chercher à apprendre la langue dans laquelle ce livre a été révélé? Imagine qu'une personne ait écrit un message dans une langue que tu ignores et que ce message contienne le chemin vers un trésor de ce bas monde. Ce message est entre tes mains et tu ne peux le comprendre qu'en apprenant la langue dans laquelle il a été écrit. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne vas-tu pas t'empresser d'aller apprendre cette langue afin de pouvoir trouver ce trésor? À moindre mesure, regarde simplement aujourd'hui les gens qui apprennent différentes langues afin de pouvoir travailler. Regarde même ceux qui font de l'informatique ou de la programmation. Ils apprennent des langages codés, des codes, des signes les uns après les autres. Pourquoi? Afin de pouvoir travailler et gagner de l'argent. Alors que dire du Coran qui est le livre d'Allah? Ce livre qu'il a fait descendre comme guide vers un paradis éternel. Un paradis dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Comment peux-tu te détourner de cela? Comment peux-tu être si insouciant et si négligent au point de te détourner de ce qui te permettra de comprendre ce livre? Il n'y a pas de doute que la cause de cette négligence n'est autre que ce que l'on a mentionné dans les deux points précédents, c'est-à-dire l'insouciance et la distraction du cœur, et aussi l'obstination dans les péchés et les mauvaises actions. Wallah al-musta'an. Tout ceci est la cause de l'éloignement et de la négligence de beaucoup d'entre nous quant à l'apprentissage de cette langue, la langue arabe, qui est la clé de la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa méditation. Et chacun d'entre nous doit donc faire des efforts pour se remettre en question et redoubler d'efforts dans l'apprentissage de la langue arabe qui nous permettra, incha'Allah ta'ala, de comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi les paroles de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est cela l'objectif, et c'est cela qui fera augmenter notre foi. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. » Il a dit rahimahullah, « Entre dans cela l'apprentissage de ses termes et l'apprentissage de ses sens. » L'apprentissage de ses sens est même ce qui est principalement recherché par l'apprentissage de ses termes. Et c'est cela qui fait augmenter la foi. Comme l'ont dit Jundub ibn Abdillah, Abdullah ibn Omar et d'autres, qu'Allah les agrée, nous avons appris la foi, puis nous avons appris le Coran, et ceci fit augmenter notre foi. Chers frères et sœurs, nous devons savoir qu'il ne sera pas possible pour nous de trouver le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, si ce n'est par le suivi du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous revenons comme il se doit au livre d'Allah, et que nous accordons de l'importance à sa méditation, alors on observera un réel changement dans nos vies. Si tu agis ainsi, tu apprendras à connaître ton Seigneur. Tu connaîtras ses noms et ses attributs. Tu connaîtras ses ordres et ses interdits. Tu connaîtras le licite et l'illicite. Et ta foi va alors augmenter, ainsi que ton amour d'Allah, ta peur d'Allah et de son châtiment, et ton espoir en Allah et en sa récompense. Tu t'en remettras à Allah et tu placeras ta confiance en lui, en toute situation, et tu obtiendras ainsi une issue favorable face à toute difficulté. Et ainsi tu emprunteras le droit chemin qu'il nous a été ordonné de suivre. Et pour atteindre cet objectif, tu dois savoir qu'en plus de ce que l'on a mentionné, il y a certaines causes qui peuvent t'aider à profiter de ta lecture et à méditer le Coran. Et bien sûr, ces causes sont nombreuses. Nous ne pourrons pas toutes les mentionner ici, mais pour rester concis, je me contenterai d'en mentionner quelques-unes, incha'Allah ta'ala, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous avons et de ce que nous allons mentionner. La première des causes pouvant t'aider à méditer le Coran et d'apprendre le Coran en apprenant ses sens. Beaucoup d'entre nous donnent de l'importance à l'apprentissage des termes du Coran, sans vraiment chercher à apprendre leur sens. Et ceci est contraire à la voix des compagnons radiyallahu anhum. Abu Abdurrahman al-Sulami, rahimahullah ta'ala, a dit « Ceux qui ont enseigné le Coran, comme Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, qu'Allah les agrée, nous ont rapporté que lorsqu'ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam dix versets, ils ne passaient pas à la suite avant d'avoir appris ce qu'il contenait comme science et comme œuvre à mettre en pratique. Ils disaient, nous avons donc appris le Coran en même temps que la science et sa mise en pratique. Telle était la voix des compagnons radiyallahu anhum dans l'apprentissage du Coran. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, il prenait soin à apprendre les sens bien plus que les termes. Ils commençaient par apprendre les sens, puis ils apprenaient les termes. Tout l'inverse de ce que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui. Combien sont ceux à ignorer les sens de Surat al-Fatiha? Combien sont ceux à ignorer les sens de Surat al-Ikhlas, de Surat al-Falaq, de Surat al-Nas? Combien parmi nous connaissent les sens de ces versets lorsqu'ils les récitent? Ces courtes sourates que nous récitons quotidiennement, dans nos prières, dans nos adhkars et ainsi de suite. Est-ce qu'on connaît réellement l'essence de ces sourates? Est-ce qu'on s'est posé un jour la question de savoir quel est le sens de ces versets? Que dois-je en tirer profit? Qu'est-ce que cela implique dans ma mise en pratique? Et ceci est d'une grande importance. La deuxième cause qui va t'aider à méditer le Coran et de le réciter lentement et clairement en embellissant ta récitation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans son noble livre, lorsqu'il a dit au verset 4 de Surat al-Muzammil, « ورتل القرآن ترتيلا » et récite le Coran lentement et clairement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à embellir sa récitation lorsqu'il a dit « Il n'est pas des nôtres celui qui ne cherche pas à embellir sa lecture du Coran. » Il n'est pas des nôtres celui qui ne cherche pas à embellir sa lecture du Coran. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit « Ce qui est demandé religieusement, c'est l'embellissement de la voix qui pousse à la méditation du Coran et à sa compréhension. » Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit « Réciter le Coran lentement et clairement est meilleur que de le réciter rapidement, car la méditation ne peut être atteinte en récitant rapidement. » Et on a vu, lors de notre rencontre précédente, que l'objectif lorsque tu lis ne doit pas être à chercher à clôturer la lecture, la sourate, mais tu dois chercher à en tirer profit. Tu ne dois pas ouvrir ton mushaf en te disant « il faut absolument que je lise tant de pages » sans chercher à comprendre l'essence de ce que tu lis. Car si tu fais cela, tu vas être concentré sur le nombre de pages. Tu vas avancer dans les pages, puis tu vas être concentré sur le nombre de pages qu'il te reste à lire, au lieu d'être concentré sur l'essence de ce que tu lis, Wallah al-Musta'an. Et bien sûr, comme je l'ai dit lors de l'assise précédente, ceci concerne celui qui comprend la langue arabe. Quant à celui qui ne la comprend pas, qui n'a pas encore atteint la compréhension des versets qu'il lit, comme celui qui vient d'apprendre la lecture, qui débute dans la lecture du Coran ou qui n'a pas encore d'aisance, alors celui-ci, qu'il multiplie la lecture. Qu'il multiplie la lecture jusqu'à trouver l'aisance dans sa lecture. Cette aisance qui lui permettra justement de pouvoir par la suite, lorsqu'il le pourra, comprendre le Coran, Inch'Allah ta'ala. La troisième cause qui va t'aider à méditer le Coran est de ne pas interrompre ta lecture au milieu d'une sourate ou au milieu de versets qui sont liés les uns aux autres. Lorsque tu lis, tu dois faire en sorte de te concentrer sur ta lecture et de t'éloigner de tout ce qui pourrait te distraire. Comme on l'a dit tout à l'heure, t'éloigner du téléphone. Si tu commences à lire que tu lis quelques versets, puis que tu as une notification et que tu commences à lire le message que tu as reçu ou à consulter les réseaux sociaux ou autres, puis ensuite tu reposes le téléphone, tu lis un ou deux versets, tu reçois un appel et tu réponds, ou tu reçois un message et tu y réponds, et ainsi de suite. Tu ne vas pas pouvoir méditer ce que tu lis si tu agis de cette manière. Donc si tu souhaites méditer le Coran, éloigne-toi de ce téléphone. Comme on a dit, mets-le en silencieux, mets-le en mode avion. Détourne-toi de ce téléphone le temps de ta lecture, afin de pouvoir te concentrer et te recueillir lors de la lecture du Coran. Et ainsi tu pourras le méditer, Inch'Allah ta'ala. Également, il n'y a pas de gêne à s'isoler pour réciter s'il le faut, comme en restant dans un coin à la mosquée, ou en choisissant les moments de calme, comme le matin après le fajr ou durant la nuit, afin de ne pas être perturbé. Également, parmi les causes qui aident à la méditation du Coran, il y a le fait de répéter les versets qui touchent ton cœur. Il se peut que ton cœur soit touché par la lecture d'un verset dont tu as bien saisi l'essence. Et si c'est le cas, alors n'hésite pas à le répéter même à plusieurs reprises, afin de tirer profit de ce verset et de faire augmenter ta foi. Et nous avons pour modèle en cela notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la nuit avec un verset qu'il répétait jusqu'au matin. Et ce verset est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « In tu'adhibhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. » Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, alors c'est toi le puissant, le sage. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, comme on l'a vu dans le cours précédent, si les gens savaient ce qu'il y a comme profit dans la lecture du Coran avec méditation, ils se seraient consacrés à cela en dehors de toute autre occupation. Par conséquent, s'ils le lient avec réflexion et qu'ils passent par un verset dont il a besoin pour guérir son cœur, qu'ils le répètent même 100 fois et même toute une nuit, car la lecture d'un verset avec réflexion et en cherchant à le comprendre est meilleure que la lecture complète sans méditation et sans chercher à comprendre l'essence. Et cela est plus profitable pour le cœur et plus à même de permettre d'atteindre la foi et de goûter à la saveur du Coran. En effet, certains ont dit que les versets que tu lis, ils sont comparables à une datte que tu mâches. La datte, plus tu vas la mâcher, plus tu vas ressentir sa saveur. Et de la même manière, le verset, plus tu vas le répéter, plus tu vas profiter de ses sens, plus tu vas t'en imprégner. Mais le problème est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils commencent à lire le Coran ou lorsqu'ils commencent à lire une sourate, ils ne pensent qu'à la finir. Ils ne cherchent pas à en tirer profit. Alors que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, il est rapporté de beaucoup d'entre eux qu'ils passaient parfois une nuit complète à répéter un verset, à le méditer. Donc si tu vois qu'un verset touche ton cœur lors de ta récitation, n'hésite pas à répéter sa récitation, à méditer sur son sens. Car ceci aura un impact immense sur ta foi, bi'inillahi ta'ala. Et de la même manière, lorsque tu lis les versets sur la description du paradis, tu t'arrêtes, tu les médites et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire entrer au paradis. Et lorsque tu lis les versets sur l'enfer, tu les lis avec méditation, puis tu t'arrêtes et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver du feu de l'enfer. Ceci était donc quelques causes pouvant nous aider à la méditation du Coran. Et bien sûr, comme je l'ai dit, les causes sont nombreuses et il y en a encore beaucoup d'autres. Mais on va se contenter de cela, inshallah ta'ala, et s'arrêter ici pour ce sujet. Et dès demain, nous commencerons nos cours justement sur la méditation des récits du Coran. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.